Chapitre 21. Il marchait lentement, presque heureux d'être enfin seul et de pouvoir réfléchir à son aise, à cette paternité peu désirée. Si les pressentiments d'Angèle n'étaient pas chimériques, il allait se trouver brusquement assujetti à des devoirs nouveaux, qui entraveraient singulièrement son avenir. « Bon, elle se trompe certainement », se disait-il pour se rassurer. En pareil cas, les femmes sont très promptes à croire possible ce qu'elles craignent ou ce qu'elles désirent. Mais s'il ne s'était pas trompé, si réellement elle devenait mère? La figure de René se rembrunit, et tout à coup son imagination lui représenta Angèle s'appuyant à son bras et marchant avec ce dandinement pesant, particulier aux femmes parvenues à une grossesse avancée. Cette image fit faire une étrange grimace à des armoises, qui avaient horreur des situations ridicules. Il allongea un coup de canne à une plantureuse touffe de coquelicot qu'il brisa impitoyablement, sans souci de sa luxuriante floraison. Peu s'en fallait qu'il ne s'emportât sérieusement contre cette loi de nature qui fait de la fécondité une conséquence logique de l'amour. Ce fut au milieu de cet accès de mauvaise humeur qu'il monta dans le train, et quand on atteignit la gare Montparnasse, il ne s'était point encore rasséréné. Il traversait la rue de Rennes, tout songeur et la tête basse, quand il fut brusquement tiré de sa rêverie par une main qui se posait sur son épaule. « Parbleu, j'allais précisément vous voir, » dit la jeune Brée en lui prenant le bras. « La montagne ne venant plus à moi, j'allais à la montagne. Que devenez-vous? Vos acteurs se plaignent de vos absences. Si vous croyez que votre pièce se répétera toute seule, vous vous préparez un joli four, mon cher. Il est vrai que vous êtes amoureux, mais ce n'est pas une excuse. » « Amoureux, qu'en savez-vous ? » demanda René avec un rire contraint. « Je le sais parce que tout le monde en parle. Il paraît que vous recommencez Daphné et Chloé dans les bois de Meudon. C'est joli, la pastorale, mais il ne faut pas en abuser. Cela tient toujours cette toccade pour Angèle ? Ma parole, vous êtes enragé comme un collégien qui tâte de l'amour pour la première fois. Je suis amoureux comme je suis artiste, passionnément, » répondit le poète d'un air piqué. « Oh, tant pis alors. « Pourquoi tant pis ?» s'écria René, que les sarcasmes de la Genevraie irritaient. « Parce qu'un garçon de talent ne doit pas s'agrafer à une femme comme le premier jeune bourgeois venu. Où vous mènera-t-elle votre passion? Un ménage interlope avec la mère sénéchale entière ou un sot mariage? Dans les deux cas, vous êtes un homme fini pour l'art, et nous n'avons plus qu'à chanter le requiem, surfait le poète René des Armoises. « Vous vous trompez, mon cher, j'ai les reins plus solides que ça. » Et l'amour ne m'empêche pas de travailler, moi. Ah, je me trompe. Eh bien, je vais vous démontrer que nenni, et ce ne sera pas long. Vous épouserez Angèle de la main droite ou de la main gauche, n'est-ce pas? Ce sera tout comme, et vous vous brouillerez avec madame votre mère. Or, j'ai ouï dire que votre père vous avait laissé peu de choses et que toute la fortune appartenait en usufruit ou en propriété à madame des Armoises. Vous serez donc pauvre, mon cher ami, et comme vous êtes trop orgueilleux, pour continuer à puiser dans la bourse maternelle, vous logerez le diable dans la vôtre. « Je travaillerai, » dit René. « Vous essaierez, c'est certain. Mais vous êtes un poète, et qui puisait un coloriste. Pour vous allumer, il vous faut du luxe, des bibelots, des fleurs, des voyages, de la musique, tout le tremblement de la vie sensuelle et raffinée. Où vous procurerez-vous ces assaisonnements-là, quand vous serez réduit à la portion congrue, avec une femme et une belle-mère en sautoir? Je ferai du théâtre, si vous pouvez. » Le métier d'auteur est comme une partie d'échecs où l'on ne gagne qu'au moyen de longues et patientes combinaisons. Et l'on n'a pas toujours le temps d'attendre quand il faut chaque matin donner la béquille à deux femmes. Savez-vous ce que vous ferez? Regardez-moi! S'exclama la jeune Brée en se campant au milieu du trottoir, la taille cambrée et le chapeau sur l'oreille, tandis que sa bouche prenait son expression la plus amère. J'ai eu comme vous un talent jeune, fougueux, exubérant, qui donnait autant de promesses qu'un pommier à deux boutons en mai. La beauté du diable, quoi. J'ai tout gaspillé en courant de la brune à la blonde. Les femmes nous prennent plus que notre argent. Elles nous volent notre temps et notre fluide nerveux. Elles nous étouffent sous leurs jupes. Grâce à elles, j'ai vécu d'aventures et de raccrocs, au jour le jour, brochant des bouts d'articles sur le coin d'une table de café. Et je n'ai jamais eu le temps de me condenser dans un maître-livre. Aussi, avec tout mon esprit et tout mon humour, je ne suis arrivé à rien. Je me suis galvaudé en faisant du métier, et autant vous en prend à l'oreille, mon bel ami, si vous vous laissez entortiller dans la jupe d'Angèle. Selon vous, un artiste doit vivre continent comme un chartreux. répartit ironiquement René en essayant de regimber sous le fouet des arguments que la Genevraie lui cinglait dans les jambes. « Absolument. Merci, ce n'est pas mon compte. Il me faut de l'amour à moi. » Aimez donc, de par Dieu, si votre tempérament vous pousse à la chose. Mais ayez l'égoïsme des grands poètes, qui ne prennent de la passion que la fleur. Imitez Goethe, qui abandonna Frédéric Brion le jour où il comprit qu'il mettait des bâtons dans les roues de son génie. Sachez quitter votre amour quand il est encore jeune et bien portant. Rien n'est tenace et encombrant comme une vieille maîtresse. Angèle a 20 ans, fit des armoises avec un sourire de fatuité. Et Dieu merci, elle ne compte pas vieillir de si tôt. Elle vieillira plus vite que vous ne pensez, mon cher. Vous voyez tout en beau pour le quart d'heure parce que vous avez l'appétit ouvert et que vous en êtes au premier service. Et la Genevraie accentua d'un éclat de rire diabolique cette brutale plaisanterie. Mais quand vous en arriverez à la volupté, repue et nonchalante, vous ferez le difficile et vous trouverez à redire au menu. Ajoutez que vous serez gueux comme un rat d'église et que vous ne pourrez pas donner à votre maîtresse de ces toilettes pimpantes et affriolantes qui procurent à l'appétit blasé un remnésie d'amour. Elle portera des robes défraîchies, des chapeaux démodés et des bas rongés de reprise. Ses mains seront rouges parce qu'elle fera sa cuisine elle-même et elle mettra de vieux gants percés aux doigts. Oh, je vous connais, mon gaillard, je vous connais comme si je vous avais fabriqué. Vous êtes un délicat, vous aimez le linge fin, les rubans frais, les petits pieds coquettement chaussés, les jupons de dentelle qui se relèvent pour montrer un bas de soie bien tiré sur une jolie jambe. Quand Angèle sortira fagotée, vous la trouverez laide et vous rougirez de lui donner le bras. Le lendemain, vous remarquerez qu'elle a des rides aux tempes et au coin des lèvres. Vous vous direz qu'elle est vieille et qu'il est temps d'en finir. Mais il sera trop tard, elle s'attachera à vous comme une lèpre, parce qu'après vous, elle n'aura plus d'amour à espérer. Rompez donc avec elle pendant que sa beauté toute neuve lui ouvre de riantes perspectives. L'espoir de trouver des consolateurs lui donnera la pilule de la séparation. Rompez, vous dis-je, et restez sur votre appétit. Pendant cette cynique harangue, les armoises fronçaient le sourcil et devenaient moroses. Ainsi qu'il s'en était flatté, la Genevraie le connaissait à fond. Il avait en ces matières acquis à ses dépens un diagnostic sûr, et les protestations amoureuses de René ne lui jetaient pas de poudre aux yeux. L'idée de la misère triviale était pour le poète le fantôme le plus maussade qu'on pût évoquer, si l'on y joint l'appréhension de cette grossesse annoncée par Angèle, qui revenait à chaque minute le harceler, on s'expliquera l'état d'énervement et de lassitude où les paroles de la Genevraie l'avaient plongé. « Rompre, murmura-t-il, je ne le puis pas. Il y a des considérations d'honneur et de délicatesse qui me font un devoir de rester avec Angèle. » La Genevraie lui décocha un regard oblique plein d'ironie. « Ah, pensa-t-il, je te parle passion et tu me réponds devoir. Alors nous sommes prêts de nous entendre. »« Hein ? » reprit-il tout haut. « Quelle considération ?» René lui fit part des craintes d'Angèle. La Genevraie haussa les épaules. « Diantre ! » grommela-t-il. « Déjà ? » ?»« Eh bien, après ?» Si la chose est vraie, mes arguments n'en subsistent pas moins, avec le marmot en plus. C'est un motif nouveau, pour en finir. Il n'y aurait plus alors à discuter qu'une question d'argent, et là-dessus, Madame des Armoises ne lésinerait pas. Mais est-ce vrai? Il y a quantité de filles qui font vibrer cette corde de la paternité pour s'attacher plus étroitement à leur amoureux. Un homme est toujours flatté d'apprendre qu'il a fait acte de virilité. J'ai connu de fines matoises qui simulaient une grossesse pendant des mois entiers. Je ne dis pas qu'Angèle soit capable de jouer cette comédie, mais elle a, comme sa mère, une diablesse d'imagination qui prend toujours le galop. Vous savez tout aussi bien que moi que sa tête n'est pas solide, et quelle foi pouvez-vous ajouter au rêve creux d'une jeune fille qui est quasi hallucinée? Morbleu, mon cher, ne soyez pas un naïf, et ne vous embarrassez pas de ces toiles d'araignée. René se mordait les lèvres sans répondre. Au fond de lui, un reste de générosité et de passion protestait et se révoltait. La Genevraie vit son irrésolution et le jugea suffisamment ébranlé. « Allons, s'écria-t-il en riant, vous réfléchirez à tout cela sur votre oreiller. La nuit porte conseil. À demain, les affaires sérieuses. Venez dîner avec moi, et ce soir, je vous mènerai dans un monde amusant. » Il y alla un cocher qui passait et poussa René dans la voiture. « Ah !» pensait le journaliste en s'installant sur les coussins et en lorgnant son compagnon à la dérobée. « Ah, tu aimes les jolies femmes, poète de la décadence. Eh bien, tu pourras te régaler ce soir. Tu verras des épaules comme tu n'en as jamais aperçu qu'en rêve, blanches, savoureuses, du sang et du lait. Et quand une fois tu auras trempé ton museau dans cette crème de sensualité, tu m'en diras des nouvelles, voluptueux drôles.